pas. Donc il faut remettre la crème fraîche et recuire encore et encore. Il faut mettre les champignons ou pas? Non. Non, pas encore. C'est à la fin. D'accord? Donc tu reprends ta casserole. Ça, c'est, on s'en sert plus? Oui. Ça, on s'en sert encore. Ça, on s'en sert encore, Roxane? Donc on vérifie que c'est propre, si c'est propre on range. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a de la neige ou pas la bête? Bah tu peux regarder. Il y a peut-être des... la bête. Bon bah vous nous dites. Donc on reprend. Bah donne à Roxane, on va ranger. Donc on reprend pour faire quoi? Mettre la crème fraîche. Pour mettre la crème fraîche. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as besoin pour mettre la crème fraîche? C'est bon. Une cuillère. Allez, c'est bon. Donc tu mets ici. Ta casserole et tu vas verser dans la passoire. Ah, le but c'est bien d'enlever le gras. Et laisser 2 minutes. Quand ça sera en ébullition, oui. Donc, dès que tu vois l'apparition des bulles, on compte 2 minutes. Okay. Donc, tu peux utiliser le rouge. Oui. En attendant, mais bon, jette quand même un œil, tu peux ranger un peu ton temps de travail. Le lait, il faut bien le remettre au frais. Non, mais oui, il a été chercher une part. C'est bon? Vas-y, tu peux y aller. Ah, bah c'est tout. On avait regardé la quantité de la... Alors bonjour, moi je m'appelle Madame Jolie, donc je suis l'éducatrice technique de l'atelier cuisine donc à l'IME. J'ai des élèves donc de 14 à 21 ans, donc qui sont donc séparés en groupes d'âge ou quelquefois mélangés. Donc des fois on a des plus jeunes avec des plus âgés, ce qui est bien parce que donc je pense à Cléa, donc le jeudi les grands encadrent les plus jeunes, donc pour l'apprentissage. Donc vous avez déjà eu un peu l'organisation de la semaine. Qu'est-ce que j'aime bien dans mon atelier? Bah, moi déjà je suis gourmande, donc j'aime bien manger. J'ai pas de formation en cuisine, mais j'aime cuisiner à la maison. Voilà, c'est la transmission, le partage, faire découvrir des saveurs, faire découvrir des goûts nouveaux. Alors quelquefois, il y a des petites frictions, il y a des petits conflits parce qu'on n'ose pas, les élèves, ils sont pas très... Des fois, ils sont un peu réticents pour goûter, mais c'est la règle de la cuisine, on est obligé de goûter, donc au moins une cuillère. Et donc quelquefois, il y a des bonnes surprises. Sinon, qu'est-ce que je demande à mes élèves? Oui, donc il y a quand même des règles à respecter parce que vous voyez, donc on est dans une cuisine un peu comme au restaurant, dans une cuisine professionnelle. Donc il y a des règles d'hygiène à respecter, une tenue professionnelle aussi. Donc tout ça, c'est pour les préparer à leur vie d'adulte, à leur vie future. Il y a des, voilà, des règles à respecter, une tenue à avoir. Et puis c'est important parce qu'on reçoit des gens pour manger, donc on dit toujours, on n'a pas envie de les empoisonner. Donc c'est pour ça que les règles sont aussi importantes. Et voilà, donc on est content d'avoir des invités, on est content de recevoir les gens de l'extérieur aussi pour montrer... Enfin, moi, je suis fière de mes équipes, donc je suis fière de montrer ce dont ils sont capables, parce que finalement, je ne suis que chef d'orchestre, hein, c'est pas moi qui fais la cuisine. Je leur montre, je leur explique. Alors des fois, moi aussi, je me trompe, mais voilà, ça se passe dans la bonne humeur. Il y a beaucoup d'échanges. Voilà. Alors c'est un peu comme à la maison. Des fois, on va parler de nos vies. C'est un petit moment de partage. Des fois, on a besoin de se confier. Ou des fois, ben, on a beaucoup de travail, donc du coup, on est beaucoup dans le travail. Mais voilà, c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Alors, pour la petite histoire, donc moi, je suis arrivée ici donc, il y a 2 ans maintenant. J'ai fait un remplacement donc, en pôle service, donc blanchisserie, pendant 1 an. Et du coup, ben, je me suis bien sentie dans l'établissement. Et effectivement, donc, l'éducatrice de cuisine a demandé de partir. Et Madame Audic, la directrice, donc, m'a proposé le poste. Alors, j'ai tout de suite eu un petit peu peur en disant que je n'avais pas de formation de cuisinière, rien du tout. Mais voilà, la passion de la cuisine, la passion, oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout l'encadrement des jeunes ici qui... C'est vous, en fait, qui m'a donné envie de rester. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, que ce soit finalement du ménage ou de la cuisine, l'encadrement reste le même. Donc, le poste me plaît. 2 minutes. Alors, attends. Ce qu'on peut faire en attendant, en mélangeant constamment. ça sonne. Ok. C'est pas encore sonné. C'est pas encore sonné, mais bon, ça me paraît déjà presque plus. Je n'ai pas envie de cramer. Cramer, donc je pense qu'on va l'arrêter. Ok. Voilà. Alors, c'est bien mélangé ? Oui. Voilà. Bon, bah, toi, c'est bon. Donc, pour terminer. Non. Donc ça, on n'a pas à faire, on a fait. Là, ici. Ouais. Donc vas-y, tu peux les prendre, ils sont là. Bonjour, je m'appelle Aya Deschmaker. Là, on est dans l'atelier de cuisine. Donc, c'est là où on fait à manger pour le lundi et vendredi, pour manger le midi dans le restaurant. Le mardi, on fait la liste pour faire les courses le mercredi, pour le vendredi et le l'autre lundi qui va arriver. Le jeudi, on fait des ventes à reporter. Ça peut être des tartes, des gâteaux. Et le vendredi, bah, on fait pareil que le lundi, on fait à manger pour le midi. Ce que j'aime dans cet atelier, c'est que... Oui, on fait le ménage aussi. Mais on fait beaucoup de ménage, surtout le vendredi pour que ça soit bien propre le lundi. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans cet atelier, donc Madame Jolie, la prof de cuisine, et les élèves, donc il y a les pro A, pro B et tout. Ce que j'aime ici, c'est que tout le monde se parle dans le même groupe, personne s'embrouille, personne. Voilà. Et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Cléa. Je suis en atelier avec Mme Jolie. Donc, en atelier, on fait beaucoup le mercredi, on fait les courses. Il y a toujours une bonne ambiance en atelier cuisine. Parfois, bon, ça nous arrive, il y a des catastrophes, mais bon, voilà. On est bien à l'écoute avec Madame Jolie. Elle nous donne des recettes à pratiquer. Donc, tout ce qui est tout salé ou sucré. Le vendredi, quand nous on est au lycée, le vendredi après-midi, Madame Jolie, elle a les polis. Donc, ils font le ménage. Donc, le ménage, ils commencent à nettoyer les plans de travail. S'il y a de la vaisselle à faire, ils vont faire la vaisselle. Et après, c'est le nettoyage du sol. Donc, il n'y a pas que le toit du sol, il y a le lavage aussi des vestiaires. Et de temps en temps, la réserve, donc on consomme notre alimentation pour la semaine, etc. Les catastrophes, c'est comment ça peut nous arriver qu'on se brûle, qu'on fasse tomber quelque chose qu'on va commander juste après et qu'on doit recommencer. Ça peut nous arriver de se couper. Si on a des règles à pratiquer, donc si on se coupe, on doit passer à l'eau et mettre un mouchoir et voir l'infirmière. Si on se brûle, on doit passer à l'eau pendant au moins 10 minutes. Et donc, voilà. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est pratiquer les recettes que Mme Julie nous donne. Faire des gâteaux, à l'exemple des toasts, tout ça. Et j'aime aussi l'ambiance avec les pros et les polis. On va faire des petits bouts de viande, d'accord, qu'on va pouvoir mettre dans le... Pas trop petit, hein, parce que justement, il faut que ce soit... Et comme ça, tu vérifies en même temps, voilà la peau, ce qu'ils ont pour la mettre. Tout ce qui est peau, quand vous avez même des os, on les met pas non plus. Okay. Ça te permet un peu de trier. Ok, okay. Alors, c'est bon, les filles? Ok. Donc, il y en a une qui peut jeter les emballages. Hein, toujours pour avoir un espace pas trop encombré. J'ai préparé le classeur. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu me disais carton, Roxane. C'est ça, du carton. Ça ressemble à du papier, mais c'est épais. En plastique, carton, c'est pas la même poubelle. C'est pas la même poubelle, le plastique et le carton. Je vais regarder sur l'affichage. Alors, le classeur est ici. C'est qui sonne? Ça, c'est moi. Peut-être le tard. C'était la tarte. Ouais. Voilà, super. Donc ça, on va arranger après. Bon, les œufs, je ne sais pas pourquoi c'est marqué œufs. Je pense qu'il y a eu un souci dans la. Je me suis trompée dans le recopiage de la recette. Donc tu peux remettre au frais. Donc là, l'étape délicate, c'est qu'on va remplir les petites bouchées. Donc on va essayer de remplir tout doucement en essayant donc de ne pas renverser à côté. Donc on prend une cuillère à soupe. On va pouvoir récupérer la casserole. On va venir facilement. Ah, donc on essaye un peu chacune. Tu laisses faire en train, je ne sais pas, la moitié, elle en fait 4, t'en fais 4. Allez, cuillère à soupe, c'est laquelle? Très bien. Alors tu te mets à l'aise. Peut-être mettre la casserole ici. Voilà. On remélange un petit coup, Emma. C'est bon, madame. C'est bien. Ça, c'est où, madame? On enlève la... Attends, je parle. Voilà, je peux la mettre sur le côté. Tu t'écartes comme ça, Roxane, elle a de la place. Tu prends ton temps, Roxane, pas de pression. Alors, ça, c'est les déchets. Ouais. Donc, alors, on ne va pas le mettre au compost. Pourquoi? Vous savez pourquoi on ne met pas de viande dans le compost? Ah, parce qu'il y a des rotines. Voilà, ça attire les rats. D'accord? Donc, on met dans la poubelle classique. Donc ça c'est bien. Donc là ta viande, tu vas pouvoir la mettre donc avec ta sauce. Ta viande, tu vas pouvoir la mélanger dans la sauce. Ah, ok. J'avais pas. Non. J'avais pas juste trouvé. Et puis après, là, c'est quoi ta dernière étape? Faire cuire les pâtes. On y va. C'est bon maintenant. C'est mon moment préféré, faire cuire les pâtes. Alors. On est là, donc on va donc faire des rondelles de kiwi. Hein, donc,